Vous êtes arrivé à la fin du tome 4 de Harry Potter 7 3 quarts de Alix. Vous trouverez juste après en annexe un petit mot de l'auteur qui a tenu à s'exprimer, suivi de la lecture de ses explications quant au canon de J.K. Rowling, puis de la lecture des remerciements écrits dans son livre. Merci de votre écoute. Bonjour, ici Alix, l'autrice de la saga Harry Potter 7 3 quarts. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette histoire que j'en ai eu à l'écrire. N'hésitez pas à regarder du côté des fanfictions sur Internet. On y trouve de multiples récits qui permettent de prolonger nos œuvres préférées. L'idée de proposer des fanfictions au format audio est formidable et je vais suivre avec intérêt les futures sorties de Sonorous, l'association qui a lancé l'idée et qui l'a mise en pratique. Je tiens ici à remercier les lecteurs bénévoles qui ont donné leur voix. Malgré un matériel non professionnel, ils ont réussi à obtenir des enregistrements de bonne facture. Je m'excuse auprès d'eux pour les phrases longues et compliquées que je les ai obligés à prononcer. Je vous ai lu moi-même le dernier chapitre et j'ai pu mesurer la difficulté de l'exercice et amèrement regretter d'avoir écrit des phrases aussi alambiquées. Nous devons aussi beaucoup aux petites oreilles qui ont écouté les enregistrements à fin de correction et qui nous ont évité bafouilles et autres fautes de lecture. Je tire également mon chapeau aux monteurs qui ont assemblé des pistes disparates et nous ont livré un ensemble harmonieux, plaisant à écouter. Toutes mes félicitations, enfin, à l'équipe qui a coordonné tout ce petit monde et qui a mené son projet à bien malgré tous les obstacles et contretemps qui se sont présentés. Grâce à tous leurs efforts, cette histoire, qui n'existait jusque-là qu'au format écrit, a pu se renouveler et parvenir jusqu'à vous. J'espère que vous avez apprécié ma vision du monde de Harry Potter et je vous souhaite, pour la suite, d'agréables lectures.